Merci d'écouter la première. Voici tout de suite Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Le COP, c'est devenu l'ennemi. Cette semaine, l'Amérique et ses démons. It's a free country, right? C'est un pays libre, pas vrai? Des lynchages aux émeutes. Le bilan provisoire s'élève à 5 morts et 138 blessés. Un monde noir et blanc. Plusieurs victimes ont été touchées par balles et d'autres battues. You cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. And a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Les flambées de haine qui se sont produites en divers points des États-Unis au cours du week-end dernier, mettant aux prises des blancs contre des noirs, ont continué cette nuit. Le racisme chez les blancs est peut-être dur à supporter pour les noirs, mais c'est aussi le problème des blancs. Les États-Unis, la plus grande démocratie du monde. Les États-Unis plongés, rongés par leur plus ancienne maladie. Le racisme et la ségrégation. Nous avons évoqué cette semaine ces États qui cherchèrent l'union après la sécession, quand le Sud vaincu dut se rallier aux thèses du Nord, sans jamais pour autant les reconnaître, sans jamais vraiment les accepter. Les 4 années de guerre civile, commencées en 1861, ont abouti à l'émancipation des esclaves, décrétée par Abraham Lincoln, mais du papier à la réalité, il y a un monde immense, fait de passerelles infranchissables. Face au décret du président, une partie des Blancs répondent par une ségrégation raciale et sociale qui renvoie les Noirs à la misère éternelle pour seule et unique perspective. Et pour le cas où une révolte se formerait, autant entretenir un climat de peur et d'angoisse et dans le même temps expurger sa haine. Les anciens esclavagistes se retrouvent au sein du Ku Klux Klan. C'est le XXe siècle, une fois encore, qui va être un formidable accélérateur des mutations. Car le noir américain, à partir des années 60, a trouvé ses leaders. Les divers mouvements noirs américains, pacifistes ou violents, du pasteur Martin Luther King ou des Black Panthers, luttant pour les droits civiques, pour que l'égalité des droits soit enfin reconnue aux citoyens noirs, ces divers mouvements vont chercher à contraindre l'Amérique blanche à l'égalité. Les années 80 vont presque donner l'impression d'une réussite, jusqu'à ce qu'une certaine affaire Rodney King n'enflamme à nouveau les États-Unis. Nous nous transportons aujourd'hui au début des années 90. Chapitre 1. Église, école, État. Avec une personnalité comme Jesse Jackson, nul doute que les années 80 donnent une impression d'émancipation sans précédent. Ce militant des droits de l'homme, depuis les années 60, s'est déjà présenté 2 fois à la Maison-Blanche, avec un talent d'orateur dont plus d'un est jaloux. Cet orateur hors pair sait bel et bien jouer sur l'émotion et brandir sa Bible au bon moment, car pour un grand nombre de Noirs américains, l'Église est la base de tout. Jeanne Pache. L'Église était le milieu et l'endroit où on pouvait parler et qu'on peut s'exprimer et que nous avons toujours dans les églises parlé de l'injustice et l'inégalité et liberté. Et on n'était pas endormi par l'Évangile. C'est l'Évangile qui réveillait les gens et ce n'est pas pour rien que Jesse Jackson, parmi d'autres, sont venus les leaders. Nous sommes obligé d'être intelligent. Même Martin Luther King a dit que nous devrions être aussi rusés qu'un serpent et aussi doux qu'un colombe. Nous sommes actuellement à Canaan Baptist Church dans Harlem et nous assistons à un service qui fête le 5e anniversaire du pasteur Wyatt T. Walker. Et nous entendons actuellement la musique offerte par la choir de l'Église baptiste d'Israël de Washington, D.C. Il y a essentiellement des Noirs ici dans cette église. Est-ce que c'est une église réservée aux Noirs? Il y n'y a rien comme ça. Il n'y a rien de réservé uniquement. Mais nous sommes en plein Harlem et c'est une assez grande église qui est particulièrement fréquentée par les Noirs. Je dirais que les membres sont surtout les Noirs, mais ils invitent volontiers des visiteurs de tous les pays. Et vous verrez ici où nous sommes assises, il y a un mélange de blancs ainsi que des noirs. Mais il n'y a pas beaucoup de blancs, il faut le reconnaître. Non, c'est-à-dire qu'on ne vient pas assister dans ces services tous les dimanches. Comme moi, je viens ici de temps en temps parce que je trouve la musique sensationnelle et je trouve que ça donne vraiment une possibilité de mieux connaître le noir, comment il pense, comment il croit. Mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de blancs, est-ce que ce n'est pas révélateur des problèmes ethniques aujourd'hui qui existent plus que jamais aux États-Unis? Je ne pense pas, non. Non, je trouve que, comme dans toutes les religions, vous avez des gens qui ont leur croyance et qui ont leur communauté. Et c'est plutôt une question de communauté. Et comme nous sommes dans une communauté noire, ce n'est pas anormal que la plupart des gens sont des Noirs. Nous sommes dans l'école PS19. C'est une école très grande. Il y a plus de 2000 garçons et jeunes filles dans l'école. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette école Public School numéro 19, ici à Queens, à New York? Ouais, numéro un, c'est une école très grande. C'est la plus grande de la cité de New York. Et depuis, cette école, il y a beaucoup de garçons de tout le monde. C'est la plus multiethnique de la cité. Mais dans quelle langue enseigne-t-on ici à la Public School numéro 19? Nous enseignons seulement l'anglais et aussi nous avons l'espagnol comme une langue. On a l'impression que les enfants ici vivent bien ensemble. Il y a des Chinois, il y a des enfants d'Amérique du Sud, de différents pays, il y a des enfants des Caraïbes, il y a aussi quelques enfants noirs. On a le sentiment qu'il n'y a pas de problèmes raciaux ici. C'est vrai, il n'y a pas de problème parce que c'est normal. Par une école ou pour la ville de New York, c'est normal. S'il y a beaucoup de gens de beaucoup de pays, c'est la cause normale. Mais est-ce que ça veut dire que ça correspond selon vous à ce qu'on peut vivre à New York et même aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire une situation sans problème raciaux? La grande majorité de la gens de New York peut vivre sans problème racial, mais il y a des problèmes, c'est normal. On ne peut pas éviter tous les problèmes. Los Angeles, Californie du Sud, située sur l'océan Pacifique et la rivière Los Angeles, deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, après New York City, connue pour son climat agréable, ses paysages luxuriants, ses industries cinématographiques et de télévision, connue pour ses nombreuses autoroutes, ses tremblements de terre, ses incendies de forêt et sa pollution. Chapitre 2. Asphalt Jungle. Le 3 mars 1991, à Los Angeles, en Californie, plusieurs voitures de police donnent la chasse à une voiture. Apparemment, le chauffeur vient de commettre un excès de vitesse. L'homme qui est au volant s'appelle Rodney King. Il est en libération conditionnelle à la suite d'une condamnation pour vol. Deux hommes se trouvent avec lui dans sa voiture. La poursuite s'engage. Le chauffeur brûle plusieurs feux rouges, puis il finit par s'arrêter. Alors que les deux passagers sortent de la voiture, conformément aux ordres de la police, et se laissent passer les menottes avec peu de résistance, Rodney King refuse apparemment de sortir du véhicule et les policiers doivent l'en extraire de force. Puis c'est le tabassage. Les coups de matraque pleuvent, les coups de pied, la matraque électronique. Les trois policiers appartiennent au célébrissime Los Angeles Police Department, réputé pour son racisme. 23 autres agents de police sont également sur place et assistent aux événements, sans intervenir. mais il y a également sur les lieux des civils. L'un d'entre eux, George Holliday, va filmer la scène en vidéo. Peu après, elle est sur tous les écrans de télévision. 12 jours plus tard, les trois agents de police, Lawrence Powell, Timothy Wind et Theodore Brisneau, ainsi que le sergent Stacy Kuhn, sont inculpés par un grand jury de Los Angeles. Ils sont accusés de voies de fait avec recours à une force risquant de produire de graves lésions corporelles et avec utilisation d'une arme pouvant causer la mort, ainsi que de voies de fait commises sous couvert de la loi. Powell et Kuhn sont également accusés d'avoir produit des rapports falsifiés. Peu avant le procès, les accusés essaient d'obtenir qu'il se déroule dans un autre comté que celui de Los Angeles. Cette demande de renvoi, refusée en première instance, est accordée en appel. Le procès se tient donc à Simi Valley, comté de Ventura, une collectivité à prédominance blanche, de classe moyenne, située à 35 miles du centre de Los Angeles. Le jury se compose de 10 personnes de race blanche, d'une personne hispanique et d'une personne asiatique. 13 mois plus tard, en avril 1992, le jury annonce les verdicts. Les accusés sont acquittés. Le résultat est immédiat. Au moins 120 incendies ravagent le centre et le sud de la ville en ce moment. Les policiers et les pompiers sont complètement dépassés par l'ampleur des émeutes. Là-bas, c'est encore la nuit. Des jeunes mettent le feu à des bâtiments et à des voitures. Ils tabassent des automobilistes et ils multiplient les actes de vandalisme. Les émeutiers apparaissent complètement hors de contrôle. Et le quartier général de la police est littéralement assiégé par des centaines de personnes. Des jeunes, mais aussi des gens de tout âge. Impossible pour l'heure d'estimer combien de personnes sont descendues dans la rue. On s'attendait bien à quelques manifestations de colère après l'acquittement des 4 policiers. Les forces de l'ordre avaient été renforcées dans cette éventualité, mais elles ont été très vite débordées. Ce déchaînement, il est l'aboutissement d'une tension qui n'a cessé de croître depuis 13 mois entre la police et les gens de couleur. Avec ce procès, les Noirs espéraient que la justice mettrait le holà aux violences policières. Pour eux, cet acquittement, c'est une justice de blancs pour les blancs. Les responsables de la communauté noire ont lancé un appel au calme, mais ils sont visiblement débordés eux aussi. Dépassé car la violence est radicale. 5 morts, 138 blessés en une nuit. Au cœur des manifestations, un photographe français, il témoigne. Il y avait des gamins de 14-15 ans un peu partout avec des Uzis, qui sont des fusils automatiques israéliens dont on sert beaucoup ici, et des fusils à pompe sciés qui couraient un peu partout dans les rues, saccageant les magasins, surtout les magasins d'alcool et des supermarchés, et qui boivent dans les rues. En fait, c'est un peu une fête, quoi. C'est très bizarre, c'est un peu une révolution festive, quoi. Ils boivent et puis ils se remettent à tirer. J'étais moi-même dans un quartier qui est entièrement noir, et donc j'étais le seul blanc dans ce quartier, et j'ai eu beaucoup de problèmes pour en sortir. Je suis resté à peu près une demi-heure et c'était assez terrifiant. Là, on continue de voir des images à la télé sans arrêt. Le problème est en expansion, en croissance permanente. Le maire décrète l'état d'urgence, fait appel à la garde nationale, impose un couvre-feu. Nous sommes à Los Angeles en 1992, et l'Amérique doit rendre des comptes à sa communauté noire. Nous y revenons dans quelques instants. Fact the Police par NWA. No comment. Fact the Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge. Is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath. please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police and Red said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass. But drop your cat and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. To the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much butt I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Because my identity by itself causes violence. The E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the eight, he'll be the one that I take out and then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police. Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here! I want justice! Get him the fuck out of my face! I want justice! Out right now! Fuck you, you black motherfucker! Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Parfois, il y a une justice. Les événements de Los Angeles, émeutes qui mettent la ville à feu et à sang, causent la mort de 5 personnes et en blessent plusieurs dizaines. Ces émeutes sont tout autant la conséquence du verdict qui a vu l'acquittement des 4 policiers qui ont tabassé le noir Rodney King, tabassage diffusé à la télévision grâce à une vidéo pirate, que le marasme dans lequel se trouve une partie de la communauté noire américaine. Monique Silberstein. Oui, il faut voir que l'Amérique noire est en crise, une crise grave dont les conséquences n'ont pas fini de secouer le pays. Il y a des Noirs, et ils sont nombreux, qui ont bénéficié des améliorations de leur statut et qui ont profité des chances d'intégration qui leur étaient offertes. Mais il y a les autres, tous ceux qui restent au bas de l'échelle sociale, qui ont de bas revenus et guère de perspectives. Ceux-là doivent affronter des handicaps très lourds. Il y a d'abord le chômage, il y a la pauvreté qui touche 43% des enfants noirs. Il y a enfin l'éclatement des familles et à cela ajouter la drogue, en particulier le crack bon marché et dévastateur. Tous ces ingrédients réunis, ils suscitent la violence, une violence qui prend des proportions affolantes chez les Noirs. Ainsi, le meurtre est la cause première de mortalité pour les hommes afro-américains de 15 à 34 ans. Tout cela, ça amène beaucoup de Noirs à perdre confiance dans leur avenir, à se sentir laissés pour compte, à perdre confiance aussi dans les institutions de leur pays. La pression, les frustrations sont énormes et elles expliquent pour une part ce déferlement de colère, ce défoulement lorsqu'un événement leur donne l'impression qu'ils sont une fois de plus floués par le système. L'acquittement des quatre policiers ne met cependant pas fin à l'affaire. En août 1992, un grand jury fédéral retient deux chefs d'accusation portant sur le fait que les policiers ont, sous couvert de la loi, privé Rodney King de ses droits civiques garantis par la législation fédérale en usant délibérément d'une force excessive pendant l'arrestation. Selon la deuxième accusation, le sergent de police Kuhn se voit reprocher d'avoir porté atteinte aux droits constitutionnels de King garantis par cette législation fédérale en permettant délibérément que trois autres agents de police l'agressent illégalement, ce qui privait Rodney King de protection pendant sa détention officielle. C'est pour cette raison que les quatre policiers repassent devant le tribunal. Pendant deux mois, huit hommes et quatre femmes vont vivre en reclus dans un hôtel sous l'œil de gardiens. Ces jurés, parmi lesquels deux noirs et un hispanique, ils ont été choisis car ils semblent n'avoir pas d'idées préconçues sur les faits qu'ils auront à juger. Tous ont accepté une forme de huis clos le temps du procès, cela pour éviter autant que possible les influences extérieures. Isolés de leur famille et de leurs amis, ils ne recevront de rares visites qu'en présence d'un gardien. Les téléphones, les lettres, les journaux, la télévision, tout contact avec l'extérieur sera filtré et censuré si l'affaire King est évoquée. Si on a opté pour cette procédure exceptionnelle, c'est que l'affaire est brûlante et pourrait être lourde de conséquences. En effet, de nouvelles violences sont possibles si les policiers sont encore acquittés, d'où une pression terrible sur les jurés. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Lawrence M. Powell not guilty of the crime of assault by force likely to produce great bodily injury and with a deadly weapon. Vendredi 17 avril 1993, après 7 jours de délibération, le jury rend son verdict. Los Angeles a poussé un soupir de soulagement à la lecture des verdicts, car reconnaître deux officiers sur quatre coupables, c'est un peu comme couper la poire en deux, c'est-à-dire calmer les esprits d'un côté tout en laissant bien comprendre que des officiers de police travaillant dans une ville comme Los Angeles doivent souvent user de la force pour maintenir l'ordre. Mais si Stacy Kuhn et Lawrence Powell sont reconnus coupables aujourd'hui, c'est surtout dû à l'incroyable travail fourni ces 6 dernières semaines par les procureurs Clymer et Kowalski qui sont parvenus à démontrer que Rodney King avait été dépossédé de ses droits civils lors de son passage à tabac. Stacy Kuhn, reconnu coupable, c'est donc l'officier de police le plus haut gradé des quatre qui paie, celui qui était responsable des hommes engagés à la poursuite de King il y a 2 ans de cela. Quant à Lawrence Powell, coupable également, c'est en fait l'officier qui a asséné le plus de coups à King lorsqu'il était au sol qui est puni. Tous deux risquent maintenant des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 250 000 dollars d'amende. Les deux hommes reconnus coupables sont sortis de la salle sans montrer une quelconque émotion. Ils ne feront aucune déclaration à la presse puisqu'ils ont tous deux déjà vendu les droits de leur histoire à un show télévisé local. Parmi les premières réactions, notons celle de Rodney King, parvenue par l'intermédiaire de son avocat Milton Grimes. Il s'est dit déçu d'apprendre que seuls deux hommes étaient condamnés. Même réaction d'ailleurs de Jesse Jackson qui était là à la lecture des verdicts. En octobre 1995, plus d'un million de Noirs participent à la marche d'expiation et de réconciliation. C'est une immense fête afro initiée par l'un des nouveaux leaders noirs américains, certainement le plus radical d'entre eux, Louis Farrakhan. Anti-blanc, antisémite, il a en ce jour demandé la concorde et la tranquillité. William Clinton, président des États-Unis, lance un message à tous. Le racisme chez les Blancs est peut-être dur à supporter pour les Noirs, mais c'est aussi le problème des Blancs. Nous devons nettoyer notre maison. Aux citoyens noirs qui nous écoutent, je les félicite. Je félicite les centaines de milliers d'entre vous qui sont à Washington aujourd'hui, désireux de reprendre en main leurs responsabilités. Beaucoup d'hommes et de femmes soutiennent cette cause. Je vous appelle à être constructifs et je vous dis aussi, votre maison aussi doit être nettoyée du racisme. Il y a trop de blancs et de noirs aujourd'hui, à droite et à gauche, dans les rues, dans les radios, qui sèment la division dans leur propre intérêt. En mai de l'année suivante, la rue répond aux louables intentions. 30 églises baptistes noires sont la proie d'incendies d'origine criminelle. On est confronté à une véritable épidémie de terreur, affirmait le procureur général qui mène l'enquête. L'inquiétude monte et la réunion d'urgence convoquée par une commission de la Chambre des représentants n'a pu que constater l'impuissance des autorités face aux groupes extrémistes, le Ku Klux Klan, les skinheads ou le mouvement pour la suprématie de la race aryenne, qui agissent probablement sous la protection d'une partie de la population locale. Le racisme et l'intolérance semblent reprendre du poil de la bête. L'Amérique du politically correct, où l'on mesure chaque mot pour ne pas porter atteinte à la dignité des minorités, redécouvre ses vieux fantasmes. Demain, rencontre avec le réalisateur Christophe Weber, auteur du film Lynch. Avec lui, nous reviendrons sur cette partie sombre que la plus grande démocratie du monde ne paraît toujours pas pouvoir dépasser. Like a King par Ben Harper. Son hommage à un certain Rodney. Well, Martin's dream has become Rodney the word. Nightmare can't walk the streets. With them we are their game. Our life don't mean a thing. Like a king. Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Assiste à la de production Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.